Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, m'ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. 7e épisode. Patrice n'était pas très bon à l'école et dit lui-même qu'il était paresseux. Il aimait rêver dans son coin, se raconter des existences imaginaires dans des mondes peuplés de chevaliers, de géants et de princesses. Il donnait forme à ses rêveries en composant des livres dont vous êtes le héros. Quand il a raté son bac, il a refusé de redoubler. Rien de ce qu'on enseignait au lycée ne l'attirait. Le problème, c'est que rien d'autre ne l'attirait. Aucun métier, sauf, tout de même, celui de dessinateur de bande dessinée. C'était un refuge plutôt qu'une véritable vocation, reconnaît-il. Une façon de tenir à distance le monde réel, où il fallait être fort et se battre pour s'imposer. Ses parents ont accepté de l'envoyer à Paris, où il partagerait une chambre de bonne avec un cousin et travaillerait aux planches qui lui ouvriraient les portes des éditeurs. Avec le recul, il regrette de n'avoir pas fait une école de dessin, où il aurait acquis des bases techniques. Il était complètement autodidacte, dessinant au stylo à billes sur des feuilles de papier quadrillé et ignorant à peu près tout de ce qui se faisait dans le domaine qu'il avait choisi. Il connaissait Johan et Pierre-Louis, Spirou, Tintin, Blueberry et Sentinella. Quelquefois, chez Gibert Jeune, il parcourait l'écho des savanes, fluide glacial, des bandes dessinées pour adultes, mais s'en détournait, comme si, rien qu'en regardant ces images agressives, sophistiquées, grinçantes, il trahissait l'univers enfantin auquel il restait attaché. Il se promenait dans les rues de Paris avec son cousin, qui étudiait l'alto et qui était aussi romantique que lui. Quelquefois, ils allaient au parc de Sceaux et grimpaient dans un arbre. Ils y restaient toute la journée, juchés sur leurs branches, à rêver de la princesse qu'ils rencontreraient un jour. À la fin de l'année, tout de même, Patrice a tracé le mot « fin » au bas de la dernière planche de sa bande dessinée et ensuite essayé de la placer. Le type qu'il a reçu chez Casterman lui a dit gentiment que ce n'était pas mal, mais trop naïf, trop fleur bleue. Patrice est ressorti, son carton à dessin sous le bras, déçu, mais pas vraiment étonné. Il n'a pas frappé à d'autres portes. Le monde de la bande dessinée était plus dur que celui de ses bandes dessinées. L'âge du service militaire venu, il n'a songé ni à la coopération, comme les jeunes bourgeois dégourdis, ni à se faire réformer, comme les jeunes bourgeois révoltés. Il était contre la guerre et l'armée. Il trouvait donc normal d'être objecteur de conscience. Libéré de l'armée au bout de 2 ans, il est allé s'inscrire à la NPE, qui lui a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. Il a emménagé dans un petit studio à Cachan. Il s'est inscrit à un cours de théâtre amateur à la MJC du 5e arrondissement. On y faisait surtout de l'improvisation et des exercices d'expression corporelle, ce qui lui plaisait beaucoup plus que de monter des pièces à proprement parler. On s'allongeait par terre, sur des tapis de mousse, on mettait de la musique plus ou moins planante, la seule consigne était de se laisser aller. Au début, on était replié sur soi-même, roulé en boule, et puis on commençait à bouger, on se redressait lentement, on s'ouvrait comme une fleur qui se tourne vers le soleil, on tendait les mains vers les autres, on entrait en contact avec eux. C'était magique. L'expérience du théâtre a révélé à Patrice combien il était mal à l'aise dans les relations avec autrui. Les photos qu'il m'a fait voir le montrent beau garçon, même à cette époque-là, mais lui-même décrit le jeune homme qu'il était comme un échalas boutonneux, avec une barbe toute neuve, des lunettes rondes, une boule de cheveux à l'afro et des écharpes tricotées par sa mère. Le théâtre l'a ouvert. C'était un chemin vers l'autre et surtout vers les filles. Il avait grandi dans une fratrie de garçons et non seulement il n'avait jamais couché avec une fille, mais très littéralement il n'en connaissait pas. Grâce au cours de théâtre, il en a rencontré. Invité quelques-unes au café ou au cinéma. Mais son romantisme allait jusqu'à la pudibonderie et il était effarouché par celle qui lui paraissait trop libre. C'est alors que Juliette est arrivée. Quand Hélène me disait que Juliette était la plus jolie des trois sœurs et qu'elle en était jalouse, je secouais la tête. Je l'avais vue malade, je l'avais vue mourante. J'avais vu des photos d'enfance sur lesquelles, d'ailleurs, Hélène et elle se ressemblent énormément. Sur celle que m'a montrée Patrice, elle est en effet exceptionnellement jolie, avec une grande bouche sensuelle et pleine de dents, comme Julia Roberts ou Béatrice Dalle, et un sourire qui n'est pas seulement rayonnant, comme le disent tous ceux qui l'ont connue, mais vorace, presque carnassier. Sociable, drôle, à l'aise en société, elle avait un éclat qui aurait dû décourager un garçon comme Patrice. Heureusement, il y avait ses béquilles. Elle la rendait accessible. Ils ne se sont pas vus tout de suite en tête-à-tête. Leurs premières sorties ont eu lieu en groupe. Leur professeur les emmenait au théâtre. Au théâtre, il y a des escaliers à monter. Et Juliette ne pouvait pas les monter. Patrice est timide, mais costaud. Dès la première fois, il a pris Juliette dans ses bras et personne ensuite ne lui a plus disputé ce privilège. Ils ont monté, l'un portant l'autre, tous les escaliers qui se présentaient à eux. Ils se sont mis à visiter des monuments, de préférence avec beaucoup d'étages, et lorsqu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre dans la pénombre des théâtres, à se tenir les mains. On était très sensibles des mains tous les deux, se rappelle Patrice. Leurs doigts s'effleuraient, se caressaient, s'enchevêtraient pendant des heures. Ce n'était jamais pareil, toujours nouveau, toujours bouleversant. Il osait à peine croire que c'était à lui que ce miracle arrivait. Puis ils se sont embrassés. Puis ils se sont embrassés. Puis ils ont fait l'amour. Ils ont fait l'amour. Il l'a déshabillée. Elle a été nue dans ses bras. Elle a été nue dans ses bras. Il a manipulé doucement ses jambes, presque inertes. Pour tous les deux, c'était la première fois. Patrice avait trouvé la princesse de ses rêves. Belle, intelligente. Trop belle et trop intelligente pour lui, estimait-il. Et pourtant, avec elle, tout était simple. Il n'y avait pas de coquetterie, pas de traîtrise, pas de coups fourrés à redouter. Il pouvait être lui-même sous son regard, s'abandonner sans craindre qu'elle n'abuse de sa naïveté. Ce qui leur arrivait était aussi sérieux pour elle que pour lui. Ils s'aimaient. Ils allaient donc être mari et femme. Leurs différences de caractère au début les ont tout de même inquiétés, surtout elle. Non seulement Patrice n'avait pas de vrai métier, mais il ne se souciait pas d'en avoir. Gagner de quoi survivre en conduisant des camionnettes ou en animant un atelier de bande dessinée dans un centre de loisirs de la ville de Paris lui suffisait. Juliette, au contraire, était déterminée, volontaire. Elle attachait une grande importance à ses études. Ça l'embêtait que Patrice soit si rêveur, si peu combatif. Et ça embêtait Patrice qu'elle fasse du droit. À Assas, qui plus est, une faculté connue pour être un repère de fachos. Sans être activement politisé, Patrice se disait anarchiste et ne voyait dans le droit qu'un instrument de répression au service des riches et des puissants. Si encore Juliette avait voulu être avocate, défendre la veuve et l'orphelin, il aurait pu comprendre. Mais juge ! La différence de milieu était difficile à avaler aussi. Juliette habitait chez ses parents et chaque fois qu'il allait la retrouver dans leur grand appartement près de Denfert Rochereau, il était affreusement mal à l'aise. Tous deux scientifiques de haut niveau, Jacques et Marie-Aude sont catholiques, élitistes, plutôt à droite. Et Patrice se sentait chez eux toisé de haut. Lui et sa famille où l'on est provincial, professeur de collège ou institutrice, et où l'on roule dans de vieilles guimbardes constellées de stickers hostiles aux centrales nucléaires. Le dogme chez les siens, c'est la discussion. On peut discuter de tout, on doit discuter de tout. De la discussion jaillit la lumière. Aux yeux des parents de Juliette, comme d'ailleurs des miens, il n'y a pas plus de discussion possible avec un écologiste savoyard qui pense que les fours à micro-ondes sont dangereux pour la santé, qu'avec quelqu'un qui viendrait dire que la Terre est plate et que le Soleil lui tourne autour. Il n'y a pas là deux opinions également dignes d'être prises en considération, mais d'un côté des gens qui savent, de l'autre des gens qui ne savent pas. Et on ne va pas faire semblant de s'affronter à armes égales. Il fallait reconnaître à Patrice qu'il était gentil, qu'il aimait sincèrement Juliette, mais il symbolisait tout ce qu'ils avaient en horreur. Les cheveux longs, la niaiserie 68arde, par-dessus tout l'échec. Il le voyait comme un raté et ne pouvait se résoudre à ce que leur fille si douée s'éprenne d'un raté. Lui, de son côté, avait des objets d'hostilité abstraits et généraux. Le grand capital, la religion considérée comme opium du peuple, la science devenue folle, mais il n'était pas dans son caractère d'étendre ses aversions de principe à des personnes particulières. Le mépris qu'il ressentait de la part de ses futurs beaux-parents le désarmait. Il n'était pas capable de le leur rendre. Tout au plus de penser qu'il aurait mieux valu pour lui ne pas croiser leur route. Mais il l'avait croisée. Il aimait Juliette. Il fallait se débrouiller avec ça. De ce mépris, je pense qu'elle a plus souffert que lui, parce qu'elle était bien la fille de ses parents et qu'elle n'a pas pu ne pas le voir avec les yeux de ses parents. Elle n'était pas du genre à se raconter d'histoire. C'est en toute lucidité qu'elle l'a choisi. Mais avant de le choisir, elle a hésité. Elle a dû se représenter très précisément dans une lumière crue et même cruelle ce que ce serait de passer sa vie avec Patrice, les limites dans lesquelles ce choix l'enfermait. Et d'un autre côté, l'assise qu'il lui donnerait, la certitude d'être aimé totalement, d'être toujours porté. Patrice lui-même en est venu à se poser des questions. Le droit, les beaux-parents, l'impératif de réussir, rien de tout cela n'était pour lui. Avec elle, il était trop loin de ses bases. Et puis, était-il raisonnable de faire sa vie avec une handicapée sans avoir jamais connu d'autre fille ? Ils en ont discuté, et conclu raisonnablement qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Ils se sont dit pourquoi. Patrice était le plus loquace. C'était toujours comme cela entre eux. Il disait ce qui lui passait par la tête et le cœur, se livrait sans réserve, tandis qu'elle, on ne savait jamais très bien ce qu'elle pensait. À l'issue de cette discussion, ils ont résolu de se séparer et se sont mis à pleurer. Ils sont restés 2 heures à pleurer dans les bras l'un de l'autre, sur le lit à une place de la petite chambre de Cachan. Et en pleurant, chacun a compris qu'il n'existait aucun chagrin dont l'autre ne pourrait le consoler. Que le seul chagrin inconsolable était précisément celui qu'il s'infligeait à ce moment. Alors ils ont dit que non, ils n'allaient pas se séparer. Qu'ils allaient vivre ensemble, qu'ils ne se quitteraient jamais. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont installés dans un studio minuscule, au 8e étage d'un immeuble Sonacotra dans le 13e arrondissement. L'ascenseur était souvent en panne. Patrice montait Juliette dans ses bras. Ils vivaient avec très peu d'argent. La pension d'invalide de Juliette, qui mettait un point d'honneur à ne pas demander un sou à sa famille, les piges que touchait Patrice pour des bandes dessinées dans un magazine destiné aux collectionneurs de télécartes. À sa sortie de l'école, Juliette a choisi le civil, l'instance et Vienne, parce qu'elle s'était assurée qu'il y avait un ascenseur au tribunal. Plus Patrice me parlait cet après-midi sous le catalpa, plus j'étais étonné de la confiance qu'il me témoignait. Je n'avais pas l'impression que cette confiance s'adressait à moi en particulier. Il l'aurait témoignée à n'importe qui, parce qu'il n'avait jamais pris le pli de se méfier. Un vague beau-frère écrivain, auteur qui plus est de livres réputés noirs et cruels, débarquait chez lui pour en écrire un sur sa femme morte et le priait de raconter sa vie. Alors il racontait sa vie. Amélie et Clara sont rentrées de l'école et nous sommes partis tous les quatre à bicyclette pour chercher Diane chez la nounou. Patrice avait un siège sur son porte-bagages pour Clara. Mais Amélie savait déjà pédaler seule, sans petite roue sur le côté. Nous avons traversé la route et le terre-plein devant l'école. Nous sommes passés devant l'église, puis Puis nous sommes engagés sur la petite route menant au cimetière. C'est vraiment la campagne, là, avec des vallons et des vaches. On va dire un petit coucou à maman, a proposé Patrice. Nous avons appuyé les vélos contre le mur du cimetière. Il a pris Clara dans ses bras. La tombe de Juliette est recouverte de terre meuble, entourée de grosses pierres rondes, peintes en couleurs vives par les enfants du village. Chacun a écrit son prénom sur la sienne. Je repensais au jour de l'enterrement. Patrice avait lu à l'église un texte simple et émouvant, disant qu'il avait perdu son amour. Étienne, ensuite, un texte véhément, disant que la mort n'est pas douce. Hélène, enfin, le texte que je l'avais vu écrire, disant que la petite vie tranquille de Juliette n'avait été ni petite ni tranquille, mais pleinement vécue et choisie. Il y avait eu aussi une sorte d'homélie prononcée par le parrain de Juliette, qui était diacre et avait perdu sa fille d'un cancer. Étienne m'a dit plus tard n'avoir pas aimé les sourires bénins, catholiques, dont il accompagnait la nouvelle que Juliette était désormais près du Père et qu'il fallait nous en réjouir. En même temps, il reconnaissait que cela faisait du bien à certains de l'entendre. Alors pourquoi pas? La procession, ensuite, avait suivi la route que je venais de suivre avec Patrice et les filles. Elle n'avait aucune solennité, mais c'était bien ainsi. Au lieu de le mettre dans un corbillard, on portait le cercueil à l'épaule. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes couples. C'était l'enterrement d'une très jeune femme. Les choses s'étaient gâtées devant la tombe parce que Patrice, agacé lui aussi par le discours du diacre et ce qu'il considérait comme des simagrées bondieusardes, avait dit que maintenant chacun pouvait faire ses adieux à Juliette de la façon qui lui convenait. À l'église, déjà, il avait retiré la croix posée sur le cercueil. Comme les siens, il croit à la sincérité et à la spontanéité en toutes circonstances. C'est ainsi que lui-même vit, et il s'en trouve bien. Mais faute du décorum qu'apporte le rituel religieux, tout s'est délité. Au lieu de former une file, et chacun à son tour de jeter un peu de terre sur le cercueil, les gens se sont égayés n'importe comment, livrés à leur initiative désemparée, personne n'osant vraiment faire ce qui lui convenait, ni sans doute ne le sachant. On se bousculait au bord de la tombe. Les enfants essayaient d'y placer les galets qu'on leur avait fait peindre à l'école. Un croyant, pour remettre un peu d'ordre, a entonné un « Je vous salue Marie » que quelques-uns seulement ont repris. La plupart des gens étaient sortis du cimetière et se rassemblaient sur la route en petits groupes silencieux et navrés, certains fumant déjà des cigarettes. Personne ne savait plus si la cérémonie était achevée ou non, et c'est le fossoyeur qui en a décidé, en s'approchant avec sa pelleteuse qu'il a déversée dans la tombe pour en finir. Lorsqu'il lui incombait la responsabilité d'un rite social, Patrice s'y prenait mal, à mon avis. Mais, seul, avec ses filles et moi, Patrice était parfaitement naturel. Ses mots étaient simples et justes. Et j'ai pensé que pour elle, ses fréquentes visites au cimetière devaient être apaisantes. Clara, dans les bras de son père, se taisait, mais Amélie faisait, en habituée, le tour des tombes voisines. Elle les trouvait moins jolies que celles de sa mère. « Je n'aime pas le marbre, » disait-elle. « Je trouve ça triste. » Et à son ton un peu sentencieux, on devinait à la fois qu'elle répétait une phrase entendue dans la bouche d'un adulte et qu'elle la répétait à chaque visite, parce que la répétition lui faisait du bien. Je la regardais, en me demandant si je serais toujours en relation avec elle quand elle serait adulte. Si j'écrivais ce livre, sans doute que oui. Est-ce que je serais toujours alors avec Hélène? Est-ce qu'ensemble nous aurions participé à leur éducation comme Hélène le souhaitait si fort? Est-ce que nous les aurions emmenés chaque année en vacances, et pas seulement le premier été après la mort de leur mère? Dans 10 ans, Amélie serait une jeune fille dans la vie de qui j'aurais peut-être un rôle, celui d'une sorte d'oncle qui avait écrit un livre sur ses parents, un livre où il était question d'elle, petite. Je l'imaginais lisant ce livre, et je me suis dit que c'était sous son regard, et sous celui de ses deux sœurs que je l'écrivais. Après dîner, j'ai lu une histoire à Clara pour l'endormir. Il y était question d'un petit crapaud qui a peur tout seul dans le noir, qui entend des bruits bizarres et va se réfugier dans le lit de son papa et de sa maman. « Moi, je n'ai plus de maman », a dit Clara. « Ma maman est morte. » J'ai dit « C'est vrai » et je n'ai pas trouvé quoi ajouter. Je pensais à mes propres enfants, aux histoires que je leur lisais quand ils étaient petits. Je pensais qu'Hélène et moi avions failli avoir un enfant ensemble, qu'elle avait perdu juste après la mort de sa sœur, et que nous n'en aurions sans doute plus. Je me rappelais Clara pendant la semaine de vacances qu'elle avait passée chez nous avec Amélie. Elle répétait « Quand nous retournerons à la maison, peut-être que maman sera là ?» Elle ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer qu'à un moment, une porte s'ouvrirait et que sa maman serait là, sur le seuil. J'ai pensé que c'était une bonne chose, ces visites fréquentes à la tombe. Au moins, il y avait un lieu où elle était. Ce n'était pas partout et nulle part. Peu à peu, elle cesserait d'être derrière toutes les portes. Les filles couchées, Patrice et moi sommes descendus dans son atelier au sous-sol, où il m'avait préparé un lit. Il m'a parlé d'une bande dessinée dont il avait le projet, une de ses habituelles histoires de chevaliers et de princesses qui devait s'appeler... Le preux. Ah oui, le preux. J'ai souri et lui, en écho, a eu un petit rire d'excuse et de fierté à la fois qui voulait dire quelque chose comme « Eh oui, on ne se refait pas ». En attendant de se mettre au preux, il avait une commande, des sketchs d'une page qui se passait dans un chenil et dont les personnages étaient une demi-douzaine de chiens au caractère bien typé. Rottweiler hargneux, caniche snob, dalmatien rouleur de mécanique, sympathique corneau dont j'ai deviné qu'il devait être le héros positif de ces histoires. Quand j'en ai fait la remarque, Patrice a eu le même petit rire, ce rire qui signifiait « Bien joué, tu m'as reconnu. Preux et corneau, c'est moi. » J'ai regardé les planches une par une. C'était de la bande dessinée pour enfants, un peu vieillotte, mais d'un trait délicat et sûr, et d'une incroyable modestie. Je dis incroyable, je devrais dire incompréhensible. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je suis ambitieux, inquiet. Il me faut croire que ce que j'écris est exceptionnel, que ce sera admiré. Je m'exalte en le croyant et m'effondre quand je cesse d'y croire. Patrice, non. Il prend plaisir à dessiner ce qu'il dessine. Mais il ne croit pas que c'est exceptionnel et n'a pas besoin de le croire pour vivre en paix. Il ne cherche pas non plus à changer de style. Ce serait pour lui aussi impossible que de changer ses rêves. Il n'a pas de prise là-dessus. J'ai pensé qu'en cela, il était un artiste. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Mathieu Létuvé, Patrice, Pauline Moulaine, Juliette, Laurence Mercier, Marie-Aude. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, François Christophe. D'autres vies que la mienne est paru aux éditions POL.